Phil? No, not you. It's me, Ned Ryerson. Okay, little fella, good job. That's different. Good job. Hey! I got it. He got the groundhog! Phil? Hey, Farmer Bob. Have we met? You believe this guy? About 100 times. You're gonna freeze to death. Who cares? See you tomorrow. We can't climb in four-wheel drive. I don't know where we parked. I was following you. He's got the groundhog, Phil. Hands at 10 and 2. You know, it's funny. I have hair, but you have fur. Oh, sir, no animals. Oh. Two for dinner. Follow me. Hello. Safety first. Yeah. He got the groundhog. That was Phil Connors. Bing. Hello. It's not personal. It's just a game. Not a bad day, huh? We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show. Get more out of life. Go out to a movie. Il est prisonnier. C'est le jour de la marmotte. D'un jour sans fin. Je ne fais que revivre le même jour encore et encore. Phil. Ned Ryerson. Bing. Vous faites du déjà-vu, Madame Lancaster? Je ne crois pas, non, mais je vais aller voir en cuisine. Voici enfin le jour J. Encore. Au début, c'était vraiment l'angoisse. Phil. Vous partez dans la soirée, Monsieur Connors. Je dirais que les chances de départ sont 70%. Mais à présent, on pourrait faire tout, tout ce qu'on a envie de faire. Il explore toutes les possibilités. Tu ne t'en fais pas pour ton cholestérol. Pourquoi? Et apprend à vivre comme s'il n'y avait pas de lendemain. Phil Connors. Ned. Parce que demain n'existe plus. Il a pété les plombs. Mais pour conquérir l'élu de son cœur. Tu cherches quoi? Une fille pour le week-end? Il doit revivre sans fin la même journée. Oh. Jusqu'à la perfection. Croyez ou pas, j'étudiais la poésie italienne du 19e siècle. T'as vraiment du droit. J'étudiais la poésie italienne du 19e siècle. Al vento qual piume. Mais tu parles italien? Merci. Bill Murray. Andy McDowell. À la marmotte. Je ne bois qu'à la paix dans le monde. Bon, à quoi est-ce qu'on boit? Merci. Je vais boire en priant pour la paix dans le monde. Conduis prudemment, conduis prudemment. Tu vas peut-être s'en tirer. Un jour sans fin. Oui! C'est le jour de la marmotte! Groundhog Day, ou le jour de la marmotte, est une comédie fantaisiste qui a été produite par les studios Columbia Pictures et distribuée en salle le 12 février 1993. Ce film américain d'une durée de 101 minutes a coûté 14,6 millions de dollars à produire, mais rapportera plus de 105 millions de dollars au box-office mondial. Au niveau de la réalisation, on y retrouve le metteur en scène américain Harold Ramis, celui qui nous a donné les films Caddyshack, Multiplicity et Analyze This. Au niveau de la production, on y retrouve Trevor Albert, ce producteur américain qui a travaillé sur les films Stuart Saves His Family et The League of Extraordinary Gentlemen, et bien sûr Harold Ramis, ce producteur américain qui avait produit les films Bedazzled, Year One et Multiplicity. Au niveau de la scénarisation, on y retrouve bien sûr Harold Ramis, lui qui a écrit les films Meatballs, Ghostbusters et Analyze That, ainsi que Danny Rubin, ce scénariste américain qui a travaillé sur des films tels que SFW et Hear No Evil. Au niveau de la distribution, on y retrouve Bill Murray, Andy McDowell, Chris Elliott, Stephen Tobolowsky, Brian Doyle Murray, Angela Patton, Rick Ducommun, Rick Overton et Robin Duke. Un météorologue désabusé qui travaille pour un poste de télévision se rend dans une petite ville américaine avec sa productrice et un caméraman pour couvrir l'événement du jour de la marmotte. C'est alors qu'il découvrira avec horreur qu'il est coincé dans une boucle temporelle inexpliquée qui le forcera à revivre la même journée sans arrêt, et ce, de mille et une façons différentes. Venant d'emménager en Californie pour devenir scénariste, ce sera au début des années 1990 que le scénariste Danny Rubin imaginera l'intrigue de Groundhog Day dans un cinéma de Los Angeles. Attendant que le film ne débute, il poursuit sa lecture du livre « The Vampire Lestat » d'Anne Rice et se met à réfléchir sur l'immortalité vampirique et ce qu'il pourrait faire de son temps s'il était illimité. Il écrira alors un scénario spéculatif avec pour objectif de rencontrer des producteurs qui pourraient l'aider à financer d'autres projets. Rubin commence donc à travailler sur l'idée d'un homme et des changements qu'il subira au cours de sa vie éternelle, mais comprend très rapidement que cette idée sera difficilement réalisable à cause des coûts qu'engendrait la mise en scène d'événements historiques ou futurs. C'est à ce moment que Rubin se souvient d'un concept qu'il avait imaginé 2 ans auparavant, soit celle d'une histoire mettant en scène un homme qui se réveille chaque matin à la même heure et qui constate qu'il s'agit de la même journée se répétant inlassablement. En représentant l'éternité comme un cycle répétitif au lieu d'une ligne droite à travers l'histoire, il évacue la problématique des coûts de production liés au changement de décor. Une fois son concept trouvé, Rubin ouvre un calendrier et choisit la célébration la plus proche, soit celle du 2 février, qui est connue sous le nom du jour de la marmotte. De plus, la chanson qui accueille le personnage de Phil tous les matins, « I've got you, babe » de Sonny and Cher, fut écrite par l'auteur dans le scénario original. La chanson était en effet connue pour son refrain répétitif, apparemment sans fin, qui reflétait alors très bien la situation difficile du personnage principal de son histoire. Après plus de 8 semaines de travail, l'œuvre littéraire de Rubin permettra à son agent d'arranger quelques rendez-vous avec des producteurs. Bien qu'il soit incapable de vendre son concept, ces réunions vont cependant générer d'autres travaux pour le scénariste. En 1991, alors que son agent a quitté l'industrie, Rubin envoie de nouveau son scénario à plusieurs agences artistiques afin de chercher un nouveau représentant. Il attire alors l'attention de Richard Lovett de la Creative Artist Agency. Lovett explique alors à Rubin qu'il ne peut pas le représenter, mais cependant qu'il va faire passer le script à l'un de ses clients, l'acteur, scénariste, réalisateur et producteur Harold Ramis. Au début des années 1990, Ramis commençait à s'éloigner du style de comédie qui avait défini le début de sa carrière, tel que Caddyshack en 1980 ainsi que National Lampoon's Vacation en 1983. Bien qu'il connaisse un certain succès en tant que scénariste, sa dernière tentative de réalisation, Club Paradise, fut en 1986 un échec cuisant autant commercial que critique. Intrigué par le scénario inhabituel de Rubin, Ramis acceptera alors de travailler sur le projet à condition qu'il puisse retravailler ce dernier avec l'auteur, rendant l'œuvre moins sombre et plus acceptable aux yeux du grand public en y incorporant une grande partie de comédie. Une fois le scénario terminé, Ramis fera le tour de ses contacts. 2 studios se disputeront alors le projet. Columbia Pictures, qui prévoit remettre à Ramis un gros budget mais enlèverait tout contrôle créatif à Rubin, et un petit studio indépendant au budget modeste de 3 millions de dollars qui laisserait Rubin avoir la main mise sur son concept original. Rubin acceptera alors l'offre de la Columbia qui demandera alors plusieurs changements au scénario de base. Ramis supervisera alors la réécriture et cherchera à créer un équilibre entre le désir d'originalité de Rubin et les demandes du studio. Plusieurs semaines seront nécessaires à la réécriture du scénario, incluant l'écriture d'une conclusion qui serait mieux perçue du public tout en gardant quelques passages sombres de l'histoire. C'est la version finale du scénario de Ramis qui attirera l'acteur Bill Murray sur le projet. Mais, malheureusement, Murray et Ramis se disputeront tout au long de la production, Murray voulant focaliser l'histoire sur les événements philosophiques, alors que Ramis soutient qu'il s'agit avant tout d'une comédie. Ramis demandera alors à Rubin de travailler sur le scénario avec Murray, pensant que c'était la meilleure façon d'empêcher l'acteur de l'appeler très tôt tous les matins. Un autre problème surviendra lorsque le studio refusera de donner son feu vert au projet si les raisons de la boucle temporelle n'étaient pas expliquées. Remus et Rubin convaincront alors les hauts dirigeants de la Columbia qu'il n'était pas vraiment nécessaire d'avoir une explication, la résolution de l'histoire permettant au personnage de sortir de cette boucle parce qu'il a tout simplement appris de ses erreurs du passé. Un mois avant le début du tournage, le scénario n'est toujours pas finalisé. Au finish, la version finale du film sera en grande partie proche du scénario initial. Bien que complété, le scénario continuera à subir plusieurs changements durant la production. Avant l'arrivée de Murray, Chevy Chase, Tom Hanks et Michael Keaton furent considérés pour le rôle principal. Murray et Remus étaient amis depuis fort longtemps, collaborant sur de nombreux projets depuis 1974, dont 5 films à succès tels que Meatballs en 1979, Caddyshack en 1980 et Ghostbusters en 1984. Pour Rubin, ce dernier souhaitait obtenir Kevin Klein pour le rôle principal. Suite aux auditions de plusieurs comédiennes pour le rôle de Rita, ce sera finalement l'actrice Andie MacDowell qui sera choisie principalement pour sa capacité à donner aisément la grâce qu'il convient au personnage principal féminin. Cependant, lors du tournage, MacDowell aura énormément de difficultés à s'adapter à l'improvisation naturelle de Murray. Du côté de l'acteur Stephen Tobolowsky, celui-ci sera embauché pour le rôle de Ned Ryerson après avoir livré une prestation extrêmement désagréable à son audition. Pour Michael Shannon, qui incarne ici le personnage de Fred, le futur marié, il obtiendra ici le premier rôle de sa carrière. Il passera une grande partie du tournage de la scène du dîner comme figurant en arrière-plan, car l'équipe de production désirait que les acteurs soient à leur place, même si la caméra n'était pas focalisée sur eux. Une marmotte vivante, baptisée Scooter, sera utilisée pour interpréter Punxsutawney Phil, car le maire de Punxsutawney, déçu que la ville ne soit pas utilisée pour le tournage, refusera de laisser le véritable Phil apparaître dans le film. Scooter n'a pas été spécialement dressé auparavant et avait été capturé seulement quelques semaines avant le début du tournage. Les raisons derrière la décision de ne pas tourner dans le village de Punxsutawney seront principalement liées au fait que le village était beaucoup trop éloigné des installations nécessaires. En effet, le village rural se trouve à près de 130 km de Pittsburgh, la ville la plus proche, et n'offrait pas assez de logements pour accueillir l'équipe technique et les acteurs. Originaire de Chicago, Remus décidera alors de tourner dans l'Illinois parce qu'il sait que la région peut répondre à ses besoins de production. Durant son voyage de repérage, l'équipe s'arrête dans la ville de Woodstock, où résident environ 25 000 habitants, qui offre le côté intemporel que la production recherche. Le tournage s'y déroulera presque entièrement entre mars et juin 1992. Plus de 86 jours de tournage seront nécessaires pour filmer toutes les séquences désirées. Lors du tournage, on fera appel à des milliers de figurants pour de nombreuses prises et certaines entreprises locales s'uniront, inquiètes de l'impact qu'aurait la présence d'autant de personnes à la fois sur la place. Même le conseil municipal se penchera sur cette situation. 3 entrepreneurs poursuivront en justice Columbia Pictures après la fin du tournage du film, demandant une compensation pour des pertes monétaires subies lors du tournage. L'une des affaires sera réglée à l'amiable, alors que les deux autres se rendront devant la cour. Les conditions météorologiques varient considérablement durant le tournage. La plupart des scènes sont tournées par un temps glacial au froid mordant qui persiste jusqu'à la fin mai. Bill Murray tourne jusqu'à 12 heures par jour dans des scènes extérieures à des températures froides, ce qui lui cause des inflammations de la peau et le rend irritable. Vers la fin du tournage, les températures estivales obligeront alors la production à utiliser de la fausse neige pour remplacer celle qui a fondu, mais les acteurs, eux, doivent continuer à porter leurs équipements d'hiver, et ce, malgré la chaleur. Les tensions opposant Remus et Murray s'aggraveront durant le tournage. Remus continue à vouloir réaliser une comédie romantique, tandis que Murray ambitionne un film beaucoup plus contemplatif. À cette époque, Bill Murray était en instance de divorce avec la mère de ses deux enfants et développera alors un comportement jugé erratique tout en multipliant les crises de colère et en contredisant régulièrement les décisions du réalisateur. De plus, l'acteur arrivera constamment en retard sur le tournage et fera preuve d'une attitude méchante et inaccessible. Bill Murray sera mordu par la marmotte Scooter à deux reprises pendant le tournage et dut recevoir des injections contre la rage. Après un tournage mouvementé, le film ira alors en post-production et aura sa grande première le 4 février 1993 au Fox Theater de Westwood à Los Angeles. Bill Murray n'assistera pas à l'événement, dont les invités comprenaient le comédien Rodney Dangerfield et les actrices Catherine O'Hara, Mimi Rogers et Virginia Madsen. 40 000 $ des bénéfices de la vente des billets d'entrée ont été réservés à la Scleroderma Research Foundation et au Turning Point Shelter. Une deuxième première aura lieu le lendemain à Crystal Lake dans l'Illinois, suivie d'une vente aux enchères d'accessoires et d'équipements signés du film. Tous les bénéfices ont été remis au district scolaire de Woodstock. Groundhog Day amassera plus de 12,5 millions de $ de recettes lors de son premier week-end et terminera avec plus de 70,9 millions de $ sur le continent nord-américain. En 1993, le long-métrage obtiendra le titre de la meilleure comédie au British Comedy Awards. En 1994, le film remportera le British Academy Film Award du meilleur scénario original et Andy McDowell se verra alors offrir le Saturn Award pour la meilleure actrice. Après sa sortie, plusieurs écrivains ont affirmé que l'histoire du long-métrage avait été copiée sur leur idée originale. Parmi ces écrivains se trouvait l'auteur de science-fiction Richard Lupoff, qui affirmait qu'il s'agissait d'une arnaque de sa nouvelle 12h01, et surtout l'auteur Ken Grimwood, qui lui prétendait que Groundhog Day était une copie de son livre Ripley. Cependant, le scénariste Danny Rubin déclarera, lui, que son seul point d'inspiration pour son film était l'histoire Christmas Every Day, écrite en 1982 par l'auteur William Dean Oswells. Le film sera sélectionné en 2006 pour être conservé dans le National Film Registry pour la Bibliothèque du Congrès pour être culturellement, historiquement ou esthétiquement significatif dans l'histoire du cinéma nord-américain. Ce film marquera également la fin de la relation entre Bill Murray et Harold Ramis. En effet, le duo ne se parlera pas pendant plus de deux décennies. Peu de temps avant la mort de Harold Ramis en 2014, Murray, encouragé par son frère Brian Doyle Murray, lui rendra visite avec une boîte de beignets et une escorte policière. À ce moment-là, Ramis avait perdu la majeure partie de sa capacité à parler. Ce sera donc Murray qui lui parlera pendant plusieurs heures. Suite au décès de Ramis, ce sera Bill Murray qui lui rendra hommage lors de la 86e cérémonie des Oscars. En 2020, Bill Murray, Tobolowsky et Brian Doyle Murray reprendront leur rôle dans une publicité du Super Bowl, dont la partie sera jouée le jour de la marmotte cette année-là. Cette publicité pour Jeep sera, comme le film original, tournée à Woodstock, dans l'Illinois. Du côté des points forts, eh bien, Bill Murray ici est tout simplement sublime dans ce rôle où l'acteur est tout à la fois détestable et véritablement attachant. Pour que Groundhog Day fonctionne, il fallait un acteur que l'on soit capable de détester et, par la suite, de l'apprécier à la fin de l'histoire. Et Murray réussit avec aisance à rendre la transformation de son personnage crédible. Harold Ramis, qui connaît la rythmique comique, nous donne ici une intrigue intelligente et sans prétention. Le réalisateur sait comment passer de la comédie ridicule à des moments extrêmement humains qui empêchent le long-métrage de devenir conventionnel. Le scénario est fort original et celui-ci est soutenu par une chimie palpable entre Bill Murray et l'actrice Andy McDowell. Finalement, c'est un bon divertissement avec des scènes fort amusantes, mais surtout une leçon de vie pas trop moralisatrice qui attend ici le spectateur. Mais du côté des points faibles, eh bien, on n'explique pas vraiment le pourquoi que le personnage principal se retrouve dans cette boucle temporelle, ni même pourquoi qu'il parvient à s'en sortir. Chaque spectateur se doit de faire son idée, bien que l'on comprend que le changement de personnalité du personnage principal semble être à la source de cette anomalie temporelle.

It's so munchy, crisp and crunchy. You'll enjoy each bite. Eat butter crunched, buttercup, popcorn at its best. Served in a king-size cup. It beats all the There are models and models. Cars, of course. But the used car for you should be a model of reliability. Buy a used car you can depend on. Fashion, dresses, suits, and coats in latest fashion for you, for you. See your next movie completely free. And now, on with the show. Rated X. Get more out of life. Go out to a movie. Ce que je vais vous raconter va vous paraître fou. Mais vous devez m'écouter. Parce que vos vies en dépendent. This is not the end. Vous voyez, ce n'est pas la première fois. Que nous avons cette conversation. Quel jour sommes-nous ? Le jour du jugement dernier. Vous venez d'arriver avec les nouvelles recrues. L'invasion va échouer, même avec tous les soldats que vous envoyez. Nous allons tout perdre. Quand vous vous réveillerez, venez avec moi. Vous savez parfaitement ce qui m'arrive. Ce qui vous arrive m'est arrivé à moi. Vous avez détourné leur pouvoir. Aidez-moi. À faire quoi exactement ? À gagner la guerre. Nous pouvons y arriver. Venez ici tous les jours et je vous entraînerai. Peu importe ce que je fais, vous n'irez pas plus loin. Ce qui m'arrive, qu'est-ce que ça peut faire ? C'est une arme. Edge of Tomorrow, ou Un jour sans lendemain, est un drame de science-fiction qui a été produit par les studios Warner Brothers qui distribueront le film en salle le 6 juin 2014. Ce film canado-américain d'une durée de 113 minutes coûta plus de 178 millions à produire, mais ramassera plus de 370,5 millions au box-office mondial. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain Doug Liman, lui qui nous avait donné The Bourne Identity et Mr. and Mrs. Smith. Au niveau de la scénarisation, on y retrouve les frères Jez Butterworth et John Henry Butterworth, ces scénaristes britanniques qui nous avaient donné Birthday Girl, Spectre, Get On Up et Ford vs. Ferrari, ainsi que Christopher McQuarrie, ce scénariste américain qui avait travaillé sur les films Jack Reacher et The Usual Suspect. Au niveau de la production, eh bien, ce sera Erwin Stoff, ce producteur roumain qui a travaillé sur Bill and Ted, Bogus Journey et Constantine. Gregory Jacobs, ce producteur américain qui nous avait donné des films tels Full Frontal et The Good German. Tom LaSalle, ce producteur américain qui a travaillé sur les films Stay et First Snow. Jeffrey Silver, ce producteur américain qui a travaillé sur des films Indian Summer et Training Day. Et finalement, Jason Hoffs, ce producteur américain qui avait travaillé sur la version 2017 de Death Note. Au niveau de la distribution, on y retrouve Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton, Brendan Gleeson, Noah Taylor, Jonas Armstrong, Tony Way et Charlotte Riley. Alors que la guerre fait rage contre des extraterrestres aux allures d'araignées géantes, un major relationniste pour la défense mondiale unifiée est envoyé de force au front. Bien que n'ayant jamais combattu, l'officier américain se retrouve alors plongé dans une opération en Normandie, un carnage au cours duquel il sera tué. Tombé alors dans une boucle temporelle, le major se réveille aussitôt, puis revit la même journée, et ce, à de multiples reprises. All You Need Is Kill est un light novel de science-fiction japonais écrit par l'auteur japonais Hiroshi Sakurazaka avec des illustrations de Yoshitoshi Abe qui sera publié en japonais en décembre 2004. Le roman de science-fiction révolutionnaire gagnera de nombreux éloges de la part d'autres romanciers et sera en liste pour les Seiyun Awards. Alors qu'une adaptation manga sera écrite par Ryosuke Takuchi et illustré par Takeshi Obata, le light novel de Sakurazawa suscitera l'intérêt du producteur Irwin Stoff, qui optera, via sa société Tree Arts Entertainment, pour les droits cinématographiques en 2004. Au lieu de proposer à un grand studio d'acheter la propriété et de procéder à l'écriture et à la production d'une adaptation cinématographique, la société développera elle-même un scénario par l'entremise de l'écrivain Dante Harper, qui acceptera alors un projet prenant plus de 8 mois pour écrire le scénario de base. Une fois terminé, Warner Bros. Achètera le scénario dans le cadre d'un contrat de 3 millions de dollars en avril 2010, Harper recevant la modique somme d'un million de dollars pour son travail. Warner Bros. Embauchera alors le réalisateur Doug Liman pour réaliser le film en août 2010. Le scénario de Harper, qui fut développé sous le titre « All You Need Is Kill », sera alors remis au scénariste Joby Harold pour retravailler celui-ci. En septembre 2011, la production approchera l'acteur Brad Pitt, qui déclinera alors l'invitation. Ce sera 2 mois plus tard que Tom Cruise se verra offrir le rôle principal, qu'il acceptera sous certaines conditions. Entre-temps, les scénaristes Roberto Orci et Alex Kurtzman retravaillèrent le scénario de Harper et Harold. 6 mois avant le début du tournage, le réalisateur était toujours insatisfait du scénario et embauchera alors les frères Jez et John Henry Butterworth, qui réécriront alors les 2/3 du script. Tom Cruise fera la recommandation au producteur d'embaucher l'actrice Emily Blunt pour le rôle principal féminin, parce que cette dernière était une actrice avec qui il voulait travailler depuis longtemps. Blunt sera alors approché et signera avec Warner Bros. En avril 2012. Le scénariste Simon Kinberg succédera alors aux frères Butterworth et sera lui-même remplacé 8 semaines avant le début du tournage par le scénariste-réalisateur Christopher McQuarrie. McQuarrie a été initié au projet alors qu'il dirigeait Tom Cruise dans le film Jack Reacher. Alors que les versions précédentes du scénario étaient beaucoup plus sombres, McQuarrie apportera un humour qui deviendra alors très important dans l'histoire. Ce sera peu de temps avant le Comic-Con de juillet 2013 que le projet initialement développé sous le titre « All You Need Is Kill » sera alors renommé « Edge of Tomorrow ». Alors que la production était sur le point de débuter, le réalisateur n'avait toujours pas de fin satisfaisante. Malgré que les producteurs et les dirigeants de studio étaient inquiets de commencer le tournage sans conclusion définitive, Liman choisira de terminer le scénario pendant le tournage du film, demandant la présence de McQuarrie sur le plateau de tournage durant la production. Le réalisateur mexicain Guillermo del Toro avait entre-temps travaillé sur la conception initiale des créatures extraterrestres du film, réalisant même les croquis de leur apparence et donnant des conseils sur la façon dont ils devraient s'exprimer. Le design a changé à plusieurs fois au cours de la post-production et la version finale des mimiques du film n'auront pas vraiment beaucoup de similarité au design original de Del Toro. Le tournage débutera dans les studios de Leavesden le 1er octobre 2012 en Angleterre. Ces studios avaient été achetés par la compagnie Warner Bros. Afin de devenir les studios permanents de la compagnie de production. C'est à cet endroit qu'avaient été tournés les films de la série Harry Potter et qui avaient laissé leur décor en permanence pendant près d'une décennie. Dès le début du tournage, les hauts dirigeants de la compagnie seront inquiets pour le choix du réalisateur lorsque ce dernier exigera de retourner toutes les scènes qui furent tournées durant la toute première journée de production. De plus, le tournage de la séquence de Normandie ne devait durer que 2 semaines, mais celle-ci s'étendra finalement sur près de 3 mois en raison du style de tournage du metteur en scène. Une partie du tournage sera également réalisée à Trafalgar Square à Londres en novembre 2012. La place sera alors fermée au public pendant 24 heures, ce qui nécessitera la fermeture de 36 routes, le détournement de 122 lignes d'autobus et la réservation de toutes les chambres disponibles dans les hôtels à proximité. Une ancienne base militaire dans le village de Barton Stacey, dans le Hampshire, fut également utilisée comme lieu de tournage pendant plus de 2 semaines. Au final, le tournage avait lieu 7 jours sur 7 en utilisant 2 équipes pour filmer. Plus de 20 jours additionnels à ce qui avait été initialement prévu seront nécessaires pour compléter les prises de vue. L'équipe dut également lutter contre la température changeante de l'Angleterre, car le film était censé se dérouler en une seule journée et ce dernier devait maintenir la même luminosité, mais également la même température pour que le visuel soit similaire. Bien que le tournage se soit terminé en août 2013, l'acteur Jeremy Piven a été ajouté à la distribution après la fin du tournage, lorsque des scènes supplémentaires, l'incluant, furent filmées plus tard alors que le film était en montage. Au final, aucune des séquences tournées avec l'acteur ne seront gardées ou utilisées dans la version finale du long-métrage présenté au cinéma. Il s'agira ici de la première production sur laquelle travaillera le directeur de la photographie, Diane Beebe. Ce dernier avait cependant déjà travaillé avec le réalisateur Doug Liman sur diverses publicités. L'approche de Beebe était de développer un monde sombre et post-apocalyptique et utilisera de la pellicule 35 mm à la place du numérique pour évoquer les images de la Seconde Guerre mondiale qui ont inspiré les scènes de bataille. Ce sera le production designer Oliver Skoll et son équipe qui travailleront avec Pierre Bohana pour développer les combinaisons de combat utilisées sur le film. Lorsque le réalisateur Doug Liman choisira un des designs proposés, l'équipe construira alors un prototype avec l'aide de la costumière Kate Hawley. Alors que Tom Cruise avait annoncé qu'il allait lui-même réaliser toutes ces cascades, l'acteur ne voulait pas que les exo-combinaisons soient faites en CGI afin que celles-ci paraissent plus réelles pour le spectateur. Chaque combinaison pesait entre 85 et 90 livres et entre 120 et 130 livres avec les armements. En 5 mois de production, plus de 70 combinaisons seront fabriquées en matériaux durs à la main par les techniciens pour les scènes de combat, et 50 de plus seront faites à l'aide de matériaux souples et beaucoup plus légères pour les plans rapprochés. Après 3 mois d'entraînement, l'actrice Emily Blunt enfila alors la combinaison en métal pour la première fois. La jeune femme sera alors prise d'une crise d'angoisse parce que la combinaison était si lourde qu'elle ne pensait pas être capable de jouer les scènes d'action durant les 5 mois que lui demanderait alors la production. De plus, la situation se corsera lorsque Blunt apprendra durant la production que celle-ci venait de tomber enceinte. En effet, durant les mois entre le tournage principal et les reshoots, la jeune femme n'avait que quelques semaines où il lui fut permis de filmer les nouvelles séquences et celle-ci choisira alors de ne pas faire ses propres cascades pour ses nouvelles séquences pour protéger son futur enfant. Chaque acteur avait besoin de 4 personnes pour l'aider à enfiler la combinaison de combat. Initialement, les acteurs avaient besoin de plus d'une 30 minutes pour enfiler la combinaison et un autre 30 minutes additionnelles pour l'enlever. À la fin du tournage, le temps avait été réduit à 30 secondes. Entre les prises, les acteurs étaient suspendus par des chaînes à des cadres en fer pour soulager le poids des costumes de sur leurs épaules. Plus de 9 entreprises seront embauchées pour la réalisation des effets visuels sous la direction du superviseur Nick Davis. Lorsque le tournage sera complété, Tom Cruise dépensera plus de 100 000 $ pour une somptueuse fête de clôture pour tous les acteurs et membres de l'équipe de production. Malheureusement pour lui, il ne put participer lui-même à la fête car il se devait de terminer ses scènes pour le film. C'est le compositeur musical Christopher Beck qui prendra tardivement la relève de Ramin Djawadi, qui fut, lui, le premier choix de Lehman pour remplacer son collaborateur habituel John Powell, car Powell était alors en congé sabbatique. Beck utilisera alors une répétition musicale minimale dans le film. Les échantillons orchestraux déformés amélioreront le ton comique des séquences où le personnage principal meurt de manière récurrente au combat. Le film sortira finalement aux États-Unis le 6 juin 2014 à l'occasion du 70e anniversaire du débarquement de Normandie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce sera alors l'idée de Tom Cruise de faire 3 avant-premières du film dans 3 pays différents et ce, en une seule journée. Ce sera d'ailleurs la toute première fois que surviendra un tel événement, ce que trouvera difficile l'actrice Emily Blunt, qui devait alors changer de robe, de coiffure et de maquillage pour chaque événement, alors que Tom Cruise, lui, n'avait besoin que d'un nouveau costume. Le premier événement aura lieu à 7 h le matin à Londres, suivi de la projection à 9 h. Durant la projection, les deux acteurs se rendront ensuite en France, où ils devront être présents à 14 h à Paris pour la seconde avant-première, le film étant projeté à 16 h. Finalement, pour l'ultime avant-première, les deux stars repartiront en direction des États-Unis où à 22 h aura lieu la toute dernière avant-première à New York, suivie de la dernière projection qui, elle, aura lieu quelques secondes avant la fin de la journée, soit à 23h59. Entre les deux premières projections du film, Tom Cruise, Emily Blunt et le réalisateur Doug Liman répondèrent aux questions des fans via les réseaux sociaux, tandis qu'ils voyageront d'un pays à l'autre en avion. Quelques semaines avant la sortie du film, les premières prévisions en mai 2014 prévoyaient une performance décevante au box-office nord-américain, le long-métrage se trouvant directement en compétition avec la comédie dramatique « The Fault in Our Stars ». Avec son budget de presque 200 millions de dollars, Edge of Tomorrow, considéré comme l'un des plus gros risques au box-office en Amérique du Nord pour la mi-2014, obtiendra un box-office de près de 30 millions de dollars pour son premier week-end, et ce malgré le fait qu'il sera diffusé dans plus de 3490 salles de cinéma sur le continent nord-américain. Cependant, le film de science-fiction sera très bien reçu dans le reste du monde, amassant plus de 270 millions de dollars, dont 65,7 millions en Chine. Alors que Edge of Tomorrow sera nominé aux Critics' Choice Movie Awards dans les catégories meilleurs effets visuels, meilleur film d'action, meilleur acteur dans un film d'action et meilleure actrice dans un film d'action, seule l'actrice Emily Blunt remportera un prix. Le gouvernement japonais décernera au réalisateur Doug Liman le prix annuel du Japan Cool Content Contribution, une distinction qui récompense les œuvres créatives, qui popularise les œuvres japonaises auprès du public mondial. En décembre 2015, il sera annoncé par Christopher McQuarrie que Tom Cruise avait une idée pour une suite. En avril 2016, Doug Liman avait signé avec la compagnie Warner Brothers pour réaliser une suite, tandis que les scénaristes Joe Shrapnel et Anna Waterhouse furent embauchés pour écrire le nouveau scénario qui s'intitulera alors « Live, Die, Repeat and Repeat ». Tom Cruise et Emily Blunt signeront alors pour reprendre leurs rôles respectifs, mais la difficulté de trouver une date de disponibilité similaire pour toutes les personnes impliquées sur le projet deviendra alors très problématique. Alors qu'en mars 2018, Liman annoncera qu'il travaillait maintenant avec le scénariste Jess Butterworth sur une réécriture du scénario, il le demandera en mars 2019 au scénariste Matthew Robinson de terminer le dernier jet du scénario. Au début de l'année 2021, l'actrice Emily Blunt déclarera qu'en raison du COVID-19, le budget final d'une suite de Edge of Tomorrow serait beaucoup trop dispendieux, jetant ainsi un doute sur la production d'une éventuelle suite. Du côté des points forts, eh bien ici, on a vraiment l'impression de voir un mix entre le film Groundhog Day, Starship Troopers et Saving Private Ryan dans ce captivant film de science-fiction dont la mise en scène dynamique de Doug Liman est tout simplement spectaculaire avec un visuel époustouflant et des effets spéciaux de haut calibre. D'ailleurs, cette mise en scène très musclée tiendra en haleine le spectateur, assisté ici par un montage alerte et précis. ce qui empêche le long-métrage de sombrer dans la redondance est cette qualité qu'a le scénario d'amuser son auditoire dans des séquences dramatiques et de faire évoluer notre héros sans trop que ce dernier ne devienne ennuyant. D'ailleurs, la performance de Tom Cruise et d'Emily Blunt sont tout simplement à point ici, permettant de nous montrer un côté humain à des personnages hautement caricaturaux, et ce, afin de permettre à ce couple de demeurer intéressant tout au long du long métrage. La scène du débarquement de Normandie est très bien réalisée, mais cette dernière manque d'implication dramatique, l'action ne se concentrant que sur le personnage de Tom Cruise et de ses différents échecs, le tout fait comme je le disais auparavant, avec humour. Le scénario est également extrêmement intelligent, évitant continuellement de tomber dans la facilité malgré cette histoire très conventionnelle déjà vue à maintes reprises sur le grand écran. Du côté des points faibles, eh bien, les créatures ici sont beaucoup trop rapides pour que le spectateur puisse admirer leur concept et l'on ne comprend pas vraiment très bien si ces monstres sont en métal ou encore s'ils sont organiques. De plus, leur biologie n'est pas vraiment bien expliquée, ce qui fait que nous ne savons jamais pourquoi ils sont là et quelles sont les faiblesses et leurs forces. La conclusion du film aurait pu être parfaite avec la mort des deux protagonistes, mais le fait que l'on nous donne ici une fin hollywoodienne détruit quelque peu le spectacle si parfait que l'on avait eu jusqu'à présent. De plus, rien n'explique pourquoi le personnage de Tom Cruise revient dans le passé avant que l'invasion ne commence, mais que les créatures, elles, aient été défaites. La logique de l'histoire ne tient ici tout simplement pas. Du côté musical, eh bien, c'est le compositeur canadien Christopher Beck qui nous avait donné la musique des films Big Fat Liar, The Sentinel, We Are Marshall et R.I.P.D. Qui s'occupe ici de la trame sonore. Vous avez le CD qui a été distribué sous l'étiquette Water Tower Music le 2 juin 2014 et vous avez également un vinyle qui a été distribué sous l'étiquette Mondo le 14 juin 2017. Je vous fais écouter ici le thème du film Edge of Tomorrow.